Ben justement, dans les premiers mois que j'écoutais BDM, je doutais à savoir si cela n'était pas le mal incarné en personne qui voulait perdre les armes et les voler à Dieu. Finalement, j'ai brûlé. Ben, quand j'étais enfant, moi, je considérais que je l'aimais pas pantoute. Puis finalement, je me suis rendu compte que il était pas positionnable là-dedans. Que ça n'avait pas rapport au fond que Bernard de Montréal, c'était pas de la spiritualité, justement, c'était autre chose. Puis finalement, ça a changé mon regard même sur la spiritualité. Puis par après, je souffrais bien moins psychologiquement que j'avais souffert dans ma spiritualité avant. Donc, j'ai brûlé beaucoup de spiritualité. Moi, on finit qu'on se rend compte à quel point on dormait, puis à quel point c'est de la fascination. Et à quel point c'est de la magnétisation de. En tout cas. Si j'avais pas fini par lire Bernard de Montréal, je serais jamais. Il y a beaucoup de choses que j'aurais jamais faites, que j'aurais jamais eu le courage, que je serais beaucoup moins entreprenant. Aujourd'hui, j'aurais beaucoup moins de capable de courage. J'étais quelqu'un de timide, puis j'ai tout le temps été un peu effronté, mais je m'enfoulais facilement, puis j'étais pris dans du psychologique qui était subjectif, mais genre au sens de des mécaniques. Je perdais de l'énergie. Finalement, il m'a trop aidé ça m'a trop aidé, ça m'a trop fait voir de l'illusion pour que je considère que c'est le mal. En tout cas, c'est sûr. Je n'irai pas jusqu'à dire c'est le bien, puis je vois plus ça de même, là, mais.